drogue pas. Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes 5 pour animer l'émission. Il y a moi-même, François, Reynold, Pierre-Yves, Dominique et Christophe. Et comme d'habitude, plein de petites news au sommaire de cette émission, que ce soit jeux vidéo, news insolites, jeux de plateau, hein, puisqu'on a quelques experts autour de la table. Et je vous propose tout de suite de commencer par une petite news qui est similaire aux jeux vidéo. C'est par rapport au jeu Call of Duty, vous voyez quel type de jeu ça correspond, ouais, c'est du bon USA, FPS. USA, USA. Donc on part à la guerre et chaque année je pense qu'il y a un nouvel opus de Call of Duty qui sort. Deux ou trois tu veux dire par an. En tout cas ce qui se passe c'est qu'à chaque sortie, ils annoncent un nombre de ventes qui a été fait. Le Call of Duty Modern Warfare 3, lui avait généré 1 milliard en moins de 16 jours. 1 milliard. Et lors de la sortie du Black Ops 2, en moins de 15 jours, ils avaient passé cette barre. C'était horrible. Et là, donc, pour faire plaisir apparemment à ceux qui avaient investi, aux investisseurs, ils ont annoncé plus d'un milliard de dollars, mais cette fois-ci dans les 24 heures. Alors ça fait tilter quand même beaucoup de gens en se disant... Comment ça, en 24 heures, le jeu s'est écoulé aussi vite. C'est un peu gros. Il compte les téléchargements ? Non, non, c'est vrai que c'est pas con ça. Ça permettrait de générer pas mal. Non, non, ils ont trouvé un moyen encore mieux. Apparemment, ils ont fait une belle petite arnaque. Ils ont compté les ventes qu'ils ont fait au magasin, mais non pas aux clients, au magasin directement. Donc un magasin qui va en commander 50 boîtes, qui les coulera peut-être sous 2 mois, ça a été compté comme dans les ventes directes des 24 heures. C'est malin, c'est bien, c'est une bonne idée. Enfin, 1 milliard, combien la boîte ? 60 euros ? Bon, même en dollars, je sais pas, on va dire 60 dollars. Bah après, c'est de chiffre d'affaires. Ça fait quand même 16 millions de ventes de jeux, ça me paraît beaucoup. Quelqu'un s'est jeté sur le dernier Call of Duty, non ? Non, non, non. Je vois donc qu'il regarde ailleurs. Plus ça avance, plus ils sont nuls. Hein, mais... bah, c'est toujours le même système où tu te fais tirer dessus et t'as pas de vie, t'as rien, donc t'attends, tu te recaches dans un coin, c'est bien ça. Hein. Ah oui, oui, mais tu es le héros, faut sauver l'Amérique. Et les Français, non, même pas. Les mangeurs de fromage. Allez, autre petit news, vous vous souvenez du jeu Heroes and Might and Magic 3 ? Mighty Magic. Yes. Et ça y est, Ubisoft travaille enfin, non pas sur un nouvel opus, mais sur une adaptation d'un des meilleurs, je pense, Mighty Magic. Donc il y aura une version qui va sortir réadaptée sur mobile, avec à peu près les mêmes fonctionnalités, un peu une refonte des graphismes, je pense, comme ils avaient pu faire sur certains Final, par exemple. Dom, ça te... Pour l'instant, c'est toujours des déceptions, ces adaptations. Bah, je me dis, le 3 était quand même fort sympathique. Hein. À quel niveau ? Assez simple. Et des fois, ils se contentent d'adapter, il n'y a pas de recherche derrière, quoi. C'est juste pour. Ils ont un petit. Ils espèrent en vendre quelques-uns par nostalgie auprès de leurs anciens joueurs, mais c'est tout. Mais il n'y a pas vraiment. C'est pas vraiment une recréation, quoi. S'il n'est pas forcément transformé en free-to-play avec des petits trucs à droite. Est-ce qu'il est vraiment adapté au support mobile avec la gestion des écrans tactiles et compagnie ou pas ? Il faut que je précise, apparemment, il n'y aura pas qu'une seule version mobile, il y aura aussi une nouvelle version HD. Pour PC, et celle-ci sera également disponible sur mobile. C'est pareil, ils refont des textures et puis c'est tout, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt quand on y est. Il n'y a pas le 7 qui doit sortir aussi même bientôt si... ouais, c'est peut-être pour annoncer la sortie du prochain, mais même si tu es un nostalgique que tu as envie d'y rejouer, tu dépenses 1 ou 2 euros, tu vas jouer 5 minutes, la magie n'est plus là, quoi. Si j'avais le choix entre le dernier qui sort, le 7, le 6 ou même le 5, je reprends toujours le 3. Le 2, ça dépend, chacun le tient peut-être. C'est comme dans la série des films, voilà. T'as toujours les Star Wars, chacun a son préféré pour tous les jeux de plateau ou jeux de société. C'est comme le Matrix. Ah non, le Matrix, pardon, excusez-moi. Non, il n'y en a eu qu'un. Toi, t'as pas lu les mots tabous quand tu rentres, tu signes une décharge normalement. Hein. T'as pas le droit de parler de Matrix, du Seigneur des Anneaux. Ah mince. Ah, le Hobbit, alors on peut. Yes. T'as été voir le Hobbit d'ailleurs ? Non, non, non. Quelqu'un Non, je passe. Non, mais tu veux aller voir Exodus ? Même pas. Alors, c'est plus détendu hein, aujourd'hui. Hein. C'est la dernière de l'année. Hein. On se fait plaisir. Hein. Tu voulais faire quoi comme c'est les vacances. Comme quiz ? Enfin, pas comme quiz, mais comme rétrospective ? Donc, moi, j'avais pensé faire une petite rétrospective des jeux vidéo de cette année, ou en tout cas, ceux qui nous ont marqués, nous. On peut faire les pires flops aussi. Hein. Quel est le jeu 2014 qui n'a sûrement pas... Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Puis c'est le sujet de chaque émission, ça, les flops. C'est pas drôle. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Reynald, si tu devais choisir un jeu vidéo cette année... Pour moi, ce serait Robocraft. Ah, attention, il envoie du lourd. Ouais. C'est le seul jeu sur lequel je joue encore de 2014. Donc rappelle vite fait le principe pour ceux qui écoutent, qui découvrent l'émission, hein, puisqu'on en parle chaque semaine. Non, vous parlez de chaque semaine de Hearthstone, pas la même chose. N'essayez pas de me voir. En fait, Robocraft, c'est juste un jeu gratuit sur Steam pour l'instant. Et le but est de concevoir son véhicule avec des petits cubes, comme, des roues. Comme avec des Lego. Comme avec des Lego, voilà. Et plus on construit son véhicule de façon optimisée, plus il va aller dans des arènes de plus en plus puissantes, parce que le but, c'est d'aller affronter l'équipe adverse, soit de capturer la base ennemie, ou soit de détruire l'équipe adverse complète. En faisant ça, on récupère des points, on développe des nouvelles technologies, et on fait en même temps donc, de plus en plus de nouveaux robots. Et on continue comme ça, et ça tourne. Pierre-Yves, est-ce qu'il y a un jeu vidéo qui t'a marqué cette année ? Alors, j'ai pas fait beaucoup de nouveautés, mais je pense qu'il y a South Park, qui est assez exceptionnel dans son genre. C'est vrai, on a tendance à l'oublier. Je pense que c'est une des meilleures adaptations, enfin, un jeu qui respecte vraiment bien l'esprit de la série de départ. Puis qui restait innovant, c'est un concept qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Et c'est ça qui rendait le jeu pas mal. T'avais l'impression un peu de regarder la série, puisque du fait que ça soit animé à la South Park, bah voilà, t'es vite dedans. Ouais. Ça t'est adapté par les créateurs eux-mêmes, donc c'est voilà. Vraiment super fidèle. Oui. Non, autrement là, vocabulaire. Ouais. Plus récemment, j'y ai pas joué, mais il y a Alien Isolation, c'est ça qui est sorti. Bon, a priori, ils en disent pas mal de bien. Ça dépend le type de jeu que tu recherches. Ouais, mais si tu veux dégommer de l'alien en masse, tu fais demi-tour. Par contre, si t'aimes bien les jeux de suspense où tu t'arrêtes à chaque porte en chiant dans ton froc. En allant changer de pantalon. Pardon. Mais là, c'est justement ça. On trouve bien un peu l'esprit du premier Alien ou même du 3. Donc, quand il n'y a qu'un seul Alien dans le bâtiment où ils sont. Bon, je pense que ça, effectivement, c'est super intéressant. Autrement, si tu dégommes plein d'aliens, tu retombes un peu dans les Call of Duty dont tu parlais tout à l'heure. Hein, donc, non, ça m'intéresse moins. Christophe, est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui... Alors, comme tu le sais, je ne joue pas aux jeux vidéo. On ne sait jamais, par hein, contre, je veux bien parler des jeux de plage 2014. Barbie Plage est particulièrement intéressant et Alien Plage aussi est pas mal. Alors, c'est quoi qu'est-ce que tu appelles un jeu de plage ? Ah ben, je laisse marcher ton imagination. Alors, encore Barbie à la plage peut assez. Reynald aussi, ça doit lui évoquer facilement plein de choses, ouais. Que Alien. Si, moi ça me parle un peu. Ouais. Alien Plage, ça serait un peu comme le jeu des Dents de la Mer, tu sais, où tu te déguiserais pour faire peur aux plagistes. C'est pas mal ça. C'est intéressant. Cette année, on a eu le coup avec les clowns. Ouais. Je m'attendais à ce que Noël y ait aussi la même chose avec les Pères Noël. Parce que au moment du scandale des clowns qui faisaient peur dans la rue, ils ont interdit les costumes des clowns. J'aurais bien aimé que quelqu'un fasse pareil avec les Pères Noël. On aurait eu des problèmes. Dom, meilleur jeu vidéo cette année sur PC ou ordinateur. Tout confondu. Oh là, c'est difficile. T'as le droit d'en prendre 3-4. Hein. Non, pas Hearthstone. Bon, pas Hearthstone, c'est voilà. Pas du jeu. Non, alors sur mobile peut-être, on n'en a pas parlé, mais c'est Terra Battle, un jeu fait par le studio Mistwalker, enfin les gens de Final Fantasy et compagnie, dans le même univers. Et sur mobile, c'est vraiment un jeu très prenant, vraiment bien adapté. Et, On n'en a jamais parlé, pourtant ça a été joué souvent pendant l'émission. Ils en sont à plus de... Je veux pas balancer. Hein. Million... Pendant l'émission, plus de 1 300 000 téléchargements pour l'instant. Et... Avec le créateur, les musiques faites par le créateur des musiques des Final Fantasy, les artistes et les dessinateurs, c'est pareil. Ils sont moins 10 milliards d'euros le premier jour. Hein. Alors moi, je suis désolé, hein, je vais me faire insulter, mais je pense que ça sera peut-être Hearthstone qui passera devant. Tout simplement puisque j'ai réécouté la première émission de la Nozer Podcast. Et le podcast commence en « Oh, il y a une news qui a perturbé toute ma semaine, c'est la sortie du jeu Hearthstone !» Je me dis « Merde, fin de l'année, c'est toujours pareil. » Ah puis oui, tu comptes parler de l'extension aujourd'hui ou pas ? Non. On ne dira même pas qu'il vient de sortir en France sur Android. On n'en parlera pas. Allez, je vous propose de faire une petite pause et on va attaquer un album découverte. Alors oui, c'était tiré au hasard, hein. C'est ce qui restait dans le carton des albums 2014. On s'est dit que c'est cette année qu'il faut le passer parce que l'année prochaine sera peut-être trop tard. Ce sera peut-être trop tard pour vous. Parce que... ouais. Allez, on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur la radio Bellafonte et dans l'Another Podcast et on continue cette émission. Je vous avais promis un petit album découverte. Et il y a un album qu'on avait hein, dans la boîte, qu'on n'a jamais sorti malheureusement. C'est vrai, un jeune artiste qui débute, on s'est dit, il faut bien lui filer un coup de main. Hein. Voilà, ouais. C'est Charles Aznavour. Alors la grande nouvelle, bah, c'est qu'il n'est pas mort, hein, malgré ce qu'on pourrait croire. Au moment de l'enregistrement. Je trouve que pour son âge, il a quand même la super pêche. Ah, récemment, on en a vu quelques-uns comme ça, les vieilles canailles. On a passé Annie Cordy la dernière fois. Alors, moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas vu Renaud qui arrivait à vendre des albums dans, en étant dans le coma éthylique? C'est vrai que Renaud, qui a au moins 40 ans de moins que lui, peut-être, est dans un pire état que Charles Aznavour. C'est vrai. Mais lui arrive quand même à vendre ses albums de reprise, hein, la bande à Renaud. Donc, Aznavour a peut-être sauté sur le même filon. En se disant, tiens, est-ce que je prendrais pas aussi des genoux qui débutent? Ah, mais il a encore un public et je crois qu'ils vendent peut-être plus d'albums à l'étranger qu'en France. Hein. Tu crois? Ah, je pense. Dans les pays de l'Est, aux États-Unis aussi, il est très reconnu. Hein. C'est l'un des chanteurs français qui a dû vendre le plus d'albums là-bas. Lorsque l'on tire. Mais il chante quand même. Entre ses mains. Mais c'est pas un album de reprise. Avoir 20 ans. Des lendemains. Ok, je comprends. Il en a fait une dans l'album. Pas de bol. Oh là. Ah, faut deviner qui c'est. Tu m'es pas prévenu. Je pense que c'est tout le monde. Thomas Dutronc. Alors, il y a du Grand Corps Malade, il y a du Vita, il y a du Kenji, du Ingila, du Passy, Joyce Jonathan. Donc à mon avis, là, ils sont tous ensemble. Ils sont encore vivants, eux aussi. Médiatiquement, ils sont morts. Mais... Qui c'est qui est le plus rétro dans l'histoire là, parce que Donc l'album s'appelle Sa Jeunesse. C'est réorchestré de façon bien pourrie en plus. Oui, je préfère la version. Question rituelle, est-ce qu'ils sont tous dans le même studio au moment d'enregistrement? Est-ce que Grand Corps Malade est en meilleure santé que Charles Aznavour? Grand Corps Malade et petit corps en... En fait, c'est peut-être pas tellement pour Charles Aznavour, mais c'est plus pour eux qu'ils ont sorti l'album. Oui. Tu veux dire pour leur comptable, leur agent? Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y en a un qui vous plaît dans la liste, là? Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Il faut qu'on ait une chanson pour parler dessus. C'est pour ça que Laurent est pas venu aujourd'hui. Ah, il était... Ouais. Il avait une promotion. Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande. Faut connaître la chanson, que j'appréhende, où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra où triste. Je la connais pas la chanson moi. En soutenant ta mère. C'est-à-dire qu'ils ont sorti en même temps, je crois, une compilation des albums de. Enfin, de toutes les chansons de Charles Aznavour. Il devait y avoir genre 70 CD. Dans un chez nous désert. Ah ouais. C'est à ma fille. Je rentrerai chez nous où tu ne seras pas. Il faudrait écouter l'original après. Toi, tu ne verras rien non, des t'as choses. T'as pas envie non plus, ouais, il a pas envie. Moi, tu ne verras rien. De joie et de bonheur. Rénal, il est sans voix. Je chante en arménien, apprécie la musique. Il n'y a pas que lui. Encore malade, quand même. Semble être un sourire ému. En fait, je me dis que si je me tais, on va croire qu'il n'y a plus de discussion et donc on va arrêter la chanson maintenant. Quoi. On va passer à la news suivante. Je serais intéressé qu'on reprenne ce concept pour d'autres artistes. Autre que Renaud, parce que c'est pire aussi, Renaud. Et Goldman non plus, c'était pas bien. Ouais. On devrait faire l'inverse. Est-ce qu'il y en a des albums de reprise qui étaient bien? Voilà. Voilà. On va chercher, on va enquêter. Bon, vu qu'on passait Grand Corps Malade, il y a Passy aussi. Qui est un petit peu plus jeune que Aznavour. Tu mais... trouves une chanson qu'on connaisse, l'original. Ah, ça, tu connais ça. Hier encore. Ah oui. Ou la beatbox derrière. Jouer de la vie, dans mon jour de l'amour. Je qui fait la voix de beatbox. Et c'est sponsorisé par Aznavour, non, c'est pas possible. J'ai fait il a... qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant l'espoir. Qui se sont il est pas mort de crise cardiaque en écoutant ça. Il lui a pas encore fait écouter. Non mais vu que ça s'est passé, il doit avoir un bon cœur. Hein. Ils vont lui offrir un Noël. Il devait être sûr en fait. Ils lui ont fait écouter puis en même temps ils lui montraient le chèque que ça lui rapportait. Non, d'abord le chèque. Pour qu'il dise oui d'abord. Il y a des morceaux comme ça qui demeurent introuvables. Là, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que tout le monde aura eu accès aux morceaux, sauf Charles Aznavour, à qui on n'aura pas voulu faire subir ce plus. C'est possible. Ignorant le passé. C'est pas si, hein. J'ai l'impression que t'aimes pas trop, c'est, Dom. C'est tout pourri, en fait. Ça fait mal. Est-ce que tu t'attendais à quelque chose de bien? Non. Avec mais la liste, là, franchement... avec les noms que t'as donnés, non. C'est pas faux. On en réécoutera un petit. Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui est potable. Oh, il faut tester. On partira pas tant qu'on l'a pas trouvé de toute façon. Il y a pas Renault Kenar Prune là dans la liste pour qu'on rigole aussi. Non, et je vois pas Jacques Dutronc, ce qui m'inquiète. Thomas Dutronc. Ouais, on n'a pas entendu de Cazou. C'est vrai. Allez, je vous propose d'enchaîner sur une petite news où on parle souvent des projets Kickstarter à la con. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Alors, c'est surtout, on a du mal à en trouver des pas à la con. C'est vrai, c'est ce que tu disais, Christophe, tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai, il y en a beaucoup, mais bon, il faut faire le tri, quoi. Bah, c'est surtout que à la con, ils fonctionnent très bien, donc maintenant tout le monde se met, quoi. Donc on se souvient du gars qui avait proposé de faire une salade de pommes de terre en direct, hein, qui avait relevé beaucoup de fonds. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas suivi la news, hein, on n'a pas regardé la vidéo, puisqu'il devait faire la pomme de terre en direct en citant les personnes qui avaient justement participé au projet. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a un que j'affectionne tout particulièrement, c'est la tête de Lionel Richie, géante, en version ballon gonflable, et qui fait aussi labyrinthe. Donc vous pouvez vous glisser dans la tête de Lionel Richie, je trouve ça magnifique. Est-ce que c'est en open source qu'on puisse l'implémenter dans la région par exemple? Alors, le but hein, c'est d'être transporté hein, assez facilement, hein. Ça prend moins de place qu'un château gonflable. Mais comment tu fais un labyrinthe dans une tête aussi petite? Alors, bah derrière, si vous regardez bien derrière, vous avez une entrée et vous vous glissez un peu comme dans les Fort Boyard, hein, l'épreuve des tuyaux. Moi, ça me rappelle ouais. Ça. Tu navigues dans le cerveau de Lionel Richie. Ouh là là. Heureusement qu'ils ont fait ça avec sa tête. Hein. Alors forcément, ils ont mis une petite pancarte avec « Hello ». Est-ce que tu veux développer ton idée comme la tête ne ressemble pas tellement. Après, tu peux dire c'est quelqu'un d'autre. Ça me fait penser à Apollo Creed. Ah bah tout à fait, le boxeur dans Rocky. Tout à fait. Moi j'aurais dit ça. Ouais, mais il y a quand même Hello devant. Non mais on reconnaît pas Lionel Richie là. Le projet était fait sous une boîte qui s'appelle Cool Shit. Déjà bah voilà. Et il a quand même obtenu plus de 10 000 euros pour réaliser ce projet. Moi je trouve ça sympa. Il a encore des fans alors. Hein. Est-ce qu'il y a, moi, dans le Guinness Book des Records, est-ce qu'il y a un chapitre maintenant pour les projets Quick Starter? Kick. C'est Quick Starter, on pourrait inventer ça. Plus d'argent, ouais, peut-être. C'est Kick Starter. Ouais. Voilà, tu cherches un album de bonne reprise, bah, l'album de Lionel Richie. Bon, c'était un album de duo. C'était pas mal. Ça, c'est une incitation pour qu'on écoute autre chose que Aznavour. Hein. Lionel Richie qui reprend Aznavour, ça peut être bien. Mais... faudrait demander. Eh ben, cela dit, il y a des artistes comme ça, français, qui ont été repris à l'international. Il y a peut-être un sujet à creuser. Oh, toi, tu nous avais fait un Claude François. C'est le quiz My Way. Ah, Sinatra, bah oui, bien sûr, forcément. Il y a aussi le manteau Grizzly. Alors, ça, Dom, tout d'un coup, là, ça te plaît plus. Ah, ça, c'est utile, ça. Là, ça peut être utile. Alors, c'est tout simplement un manteau. Hein, alors, j'espère que c'est pas de la vraie fourrure de Grizzly. Mais vous avez même une sorte de capuche avec une tête de grizzly. Donc ça peut être sympa pour Halloween, par exemple, pour faire se déguiser. Peur, comme les clowns dont on parlait tout à l'heure, hein, pour faire peur. Donc lui a quand même réussi à amasser plus de 30 000 dollars, alors qu'il en a demandé 2 500. Et on peut commander ce manteau en ligne. Alors combien ça coûte? 200 dollars. Oh bah, il faut pas hésiter à ce prix-là. Pour avoir l'air cool dans la rue. Ou pour aller visiter un zoo, ça va être amusant si tu vas voir. Mais t'es pas sûr de repartir. L'enclos des ours, un peu dangereux. Ils vont te garder. Celui qui a conçu le Kickstarter précise que ce n'est pas seulement un déguisement, hein, même ce n'est pas un déguisement du tout, c'est un style de vie. Soyez grizzly dans votre vie. Ah ouais, et concrètement, ça donne quoi du coup, quand tu changes de mode de vie comme ça? T'es plus proche de la nature, je sais pas. Tu vis dans un igloo. Peut-être moins attaqué dans la rue. Tu vis dans un igloo, peut-être déjà. Dans une grotte. T'as des griffes, ouais. Ça monte aux arbres, vas-y. Non, il n'y a pas d'arbres. Ça griffe les arbres, ça se frotte dessus, peut-être. Ouais, je veux bien une grizzly, du coup. Bah, j'ai bien précisé, c'était des projets à la con. Hein. Ah, oui. Peut-être que c'est ça le futur, en fait, que chacun aura son totem et va se frotter à son arbre. Non, mais s'il y a d'autres projets similaires, mais sur d'autres animaux, ça peut être sympathique. Si après, il y a des meetings. Ça serait quoi le prochain? La tortue? Pas mal. Le flamant rose? Bon, y a déjà tellement de vêtements un peu kawaii, panda et compagnie que tu trouves pour les enfants ou autres pré-ados. Figure-toi que la semaine dernière, j'étais chez un ami qui avait une tête de licorne et qui se porte. Hein, donc c'est un concept qui... Ah, je vois les sortes de têtes de cheval. Voilà, mais là, c'est une licorne. Ouais. Et dans la rue, ça tu passes pas inaperçu. C'est un fan des chevaliers zodiaques, en fait, non? Peut-être, je ne sais pas. Ah non, c'est Pégase, désolé. Oh, c'est pas grave. On ne t'en veut pas. Ah, si, je crois qu'il existe quand même, mais en personnage secondaire, tu le vois rarement. Ah. Un autre projet à la con, mais celui-là est très con, surtout quand on sait la fin de l'histoire, c'est l'aquarium à méduses. Donc des gens ont proposé donc, de faire un aquarium de méduses hein, qui s'éclairait. Alors, j'ai... Ah ouais, wow. C'est joli quand même. Ça a de la gueule. Ça fait la tête à tout. Ah, alors, ils ont réussi à amasser 162 000 dollars, hein, alors qu'ils n'en demandaient que 3 000 au départ. Le problème, c'est... Le problème, c'est que l'aquarium apparemment provoquait la mort des méduses. Ah, c'est ballot. Comment c'est possible ça? Parce que ça vit bien dans un aquarium des méduses. Oui, il y a peut-être un défaut de fabrication. Ils n'ont pas encore apparemment trouvé la source. Peut-être qu'il y a un défaut dans un produit utilisé. Soit une allergie au plastique, un truc dans le genre. Puis est-ce que c'est vraiment fait pour être en aquarium les méduses? Mais aucun animal n'est fait pour être en aquarium. C'est beau ce que tu dis. Oh là là. Oh là là, Sniff. C'est comme le grizzly dans les eaux. Hein. Pareil. Voilà. Et le dernier projet Kickstarter, alors là, accrochez-vous bien, c'était un projet qui avait été levé pour recenser le nombre d'écureuils dans un quartier d'Atlanta. Et il en faut pour tout le monde, hein, je pense. Bah, il suffit de les mettre dans un aquarium, voyons. Ils sont tous morts, il n'y en aura plus. Voilà. Alors, c'est un auteur de livre hein, qui, pour écrire sa fiction, avait besoin d'un relevé du nombre d'écureuils dans son quartier. Il a téléphoné aux autorités compétentes. Puis lorsqu'il s'est confronté un peu à leur incompétence, il a tout simplement levé un projet Kickstarter. Je ne comprends pas que dans chaque mairie, il n'y a pas un service dédié au comptage du nombre d'écureuils. C'est inadmissible. C'est un scandale quand même. Il en faudrait un pour les papillons aussi. Les papillons, ça existe. Il y a des associations qui font ça. Et tu peux participer. Ouais, les écureuils, ça doit exister aussi. Mais on tient quelque chose pour les gens qui sont en charge de boulot. Là. Il faut se mobiliser. Il faut rapprocher de votre mairie la plus proche. Il faut aller à Atlanta, mais bon. Après, selon où tu fais le recensement, tu risques d'avoir plus de boulot que quelqu'un d'autre. Hein. Il faut se sacrifier pour les endroits où il n'y a pas beaucoup d'animaux. Qui veut aller dans le Sahara? Ça dépend ce que tu comptes. Hein. Si tu comptes les scorpions, peut-être. Ah, oui. On parlait des écureuils. Non, des écureuils. Ouais, à Paris, allez. Dans le 3e arrondissement. Donc, le fameux Kickstarter, en fait, le financement, elle devait servir à faire des affiches en fait, pour demander aux gens pour de contribuer, de compter. Ils ont quand même réuni... Plus de 9000 dollars pour juste un quartier d'Atlanta. Bon, je sais que c'est une grande ville, mais les affiches devaient être plaquées or ou je ne sais pas, mais juste pour 9000 dollars pour des affiches, c'est pas mal. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on dit que c'est la crise et qu'il n'y a pas de sous, mais... Non, en fait, c'est des affiches qui étaient faites à destination des écureuils directement pour qu'ils puissent laisser une trace pour se manifester. Venir chez lui. Affiches en langage écureuil. Ouais. Et donc, les écureuils devaient mettre des petites croix ou des griffes, des coups de griffes en bas des affiches. Comment tu savais si certains avaient peut-être voté deux fois? Ah. Il y a les empreintes. Hein. C'est le même coup de griffe. On faisait un relevé d'ADN. C'est un recensement, c'est pareil. On va faire une petite pause le temps qu'on fasse quelques recensements de notre côté. On se retrouve juste après. On est toujours 5 hein, autour de la table, c'est bon. Vous êtes toujours sur la radio Bellafonte et dans l'Another Podcast. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de la radio pour voir les podcasts. Et si jamais vous vous traînez de temps en temps sur Facebook, vous pouvez également vous abonner à la page Another Podcast. Gratuit l'abonnement, gratuit. Oui. Et un clic rend un enfant heureux. Faut préciser. Et deux claques, ça rend les parents heureux. Ouais. On ne fait pas de politique ici. Hein. Il est du centre, toi. Peut-être malheureux, mais éduqué. Qui con. Est-ce qu'on se ferait pas une autre pause musicale? Alors, j'ai encore du Aznavour sur la main. J'avais peur que tu me demandes du Lionel Richie, Dom. Mais on peut le garder pour prochainement. Hein. Une bonne résolution de 2015. On trouve une chanson dans l'album qu'on reconnaisse. Il faut trouver le titre de la chanson. Qui soit à peu près potable. Non, il faudrait un mash-up Lionel Richie, Charles Aznavour. Ah, mais bon, faut pas rêver. Hein. Non, mais sinon on le fera. Il y a une émission de mash-up hein, sur la radio Bellafonte. Est-ce que vous connaissez Kenji Girac? Oui, il a gagné la Starac, un truc comme ça. C'est pas un mash-up entre Jacques Chirac et Kenji Oba, l'acteur de XOR, non? Non, bien essayé. Dommage. Le fils de Chirac et de XOR, tu imagines? T'es sûr que c'est pas un copain à Chico, ça? Non, mais c'est un. Il est. C'est pas un International of Friends? Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah, il y a un accent en plus. C'est l'italien. Mon martre en ce temps. Non, c'est agitant. Un gars qui s'est pris son pied dans une porte. Sous nos fenêtres. Et s'il aime le garni qui nous. Mais je reconnais la chanson de départ, donc c'est bien déjà. Ah, c'était le prérequis, hein. Qui criait famine et toi qui posais nu. titre, c'est un peu normal que celui qui était retenu, peut-être. J'ai pensé à Francis là, un instant. Oh non. Moi j'ai pensé à El Chato, pour ceux qui ont connu la classe. Oh là là. Oh, c'est vieux ça. Ouais, le coup de vieux qui vient de nous mettre dedans. Le type qui parlait avec un accent impossible comme ça. Mais je suis sûr qu'en fait, dans la vraie vie, il parlait tout à fait normalement. Ouais. Non, mais ce qui fait mal, c'est de se dire le temps qu'on a passé à regarder la classe. C'est surtout ça qui fait mal. Ah, mais Fabrice, comme prof, était excellent. Au niveau qu'elle, on a passé du temps, mais j'ai l'impression que chaque les heures qu'on a pu passer à regarder la classe, c'est vachement plus de meilleure qualité que tout ce qui peut passer maintenant à la télé. T'as tout, hein. Ça dépend ce que tu regardes. Je regarde pas la télé. Ouais, voilà. Je vois que tu me regardes. T'en veux une autre? Ouais, ouais. Connu. Alors j'ai Isolt ou Wisolt ou. Je sais pas comment ça se prononce. Isolt. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. La maman. Ah, mais toi, me connais. Ils sont venus, connu, la ils chanson sont est connue. Tous là, même ceux du sud du pays. Mais bon, elle est un peu plus lente. Avec des présents plein les bras. Tous les enfants. Et qui chante là? Isolt. Une jeune chanteuse. Ouais, ah, ça c'était d'accord. Je crois que c'était la chanson que j'avais pas compris. Dominique me fait peur. Il a sur son téléphone une pochette de 45 tours de El Chato. Oh, mais elle est pas dédicacée. C'est dommage. Depuis, tu peux nous trouver une photo de El Chato aujourd'hui. Père Lachaise, troisième allée. Mais là c'était il y a 25 ans, ça quand même. Ça nous rajeunit pas. Mais après, il va chercher des photos de Bézu. El Chato a un an. Ce qui m'embêterait plus, c'est une photo de Pompon. Bézu, c'était ta star, Odom. C'était, pardon ? C'était la star de Dom. Ben voilà, hein, il devrait faire un album de la classe avec tous les gens qui ont participé à l'émission. Je pense que là, ils sont encore en vie. Il y en a beaucoup quand même qui sont passés. Mmh. Gare, Chantal Latsou. Muriel Robin. Mais avant ou après l'être connu? Avant. Voilà, c'est un album découverte, on parle d'autres choses pendant les chansons. Ouais, oui, ça me choque un peu, mais bon, je ne dirai rien. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur la chanson, quoi? Il faut chercher Lionel Richie, là, non? Vous avez pas voulu... Est-ce qu'on sait ce qui est devenu la maman de la chanson? Elle a pas fait long feu. Elle est morte puisque ça parle de son enterrement. On voit que t'as suivi, toi, hein. Au lieu de parler d'El Chato. Là. Alors, je vais tenter une petite news. Hein. J'ai pas de grande espérance, mais on verra. Et c'est une polémique. C'est la polémique de l'année 2014. Et ça s'est passé chez Mattel. Alors, si je vous dis Mattel, ça ah vous. Bah oui. Oh, Christophe. Musclor. Ah oui, Mattel, les jouets. Oui, et qui sont connus pour la célèbre. Ah oui, il n'y en a qu'une. Mais si, ils ont acheté Wizard of the Coast, Magic. Je pense à Barbie, mais bon. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais chacun ses références. Voilà. Ce qui a fait polémique, c'est tout simplement un livre qui a été fait par Mattel, Barbie, I Can Be a Computer Engineer. Donc, je peux être développeur informatique, hein, en gros. Et donc, le bouquin explique comment Barbie va essayer de développer son propre jeu vidéo. Assez sympa. Et en fait, lorsqu'on lit l'histoire, hein, qui est assez basique, on se rend compte qu'en fait, Barbie s'occupe plus à faire le design du jeu vidéo et laisse les deux mecs programmer derrière. Alors, elle essaie d'envoyer des mails depuis l'ordinateur de sa sœur, mais en fait, elle le remplit de virus parce qu'elle ne sait pas s'en servir. Et à la fin, donc, les deux gars finissent le jeu vidéo, elle va le montrer au professeur en disant que c'est le sien, et puis elle a une bonne note. En gros, voilà l'histoire. Donc plusieurs personnes ont remarqué ça et ont directement été sur les pages officielles de Mattel en disant mais c'est inadmissible, vendez pas contre le sexisme. Oui, le livre n'est pas du tout fait par Mattel, c'est vraiment fait par... Ah oui. D'accord, j'ai eu peur. Enfin, non, c'est bien Mattel qui a fait le livre. En plus, des gens ont fait des reprises, des détournements de ce bouquin, et donc tu trouves de tout et n'importe quoi. Ça me fait penser un peu au détournement de Martine. Les couvertures de Martine, oui. Si vous connaissez pas, ça vaut vraiment le coup d'œil sur le net. Mais en même temps, je suis sûr que ça leur a fait pas mal de pubs aussi. Et du coup, des ventes. Est-ce que Barbie a besoin de pubs? Pas sûr. Ils ont touché un autre par public. Par contre, les associations féminines, oui. Ça me rappelle Bécassine en France, le personnage de bande dessinée breton. Dans toutes les bandes dessinées, il était représenté comme une neuneu, quoi, en fait. Et c'est pour ça que c'est un personnage qui est un petit peu mis, qu'on ne met pas trop en avant, parce qu'on a peur que les associations féministes se plaignent que bah, elle passe vraiment pour une débile, quoi. Et sûrement ça. Elle s'est pas mariée avec Régis. Le Régis est un con. C'est pas la même génération, mais... Peut-être que Régis est le fils de Bécassine. On va encore s'attirer des ennuis, je le sens. Mais bon, quelque chose me dit que je ne serai plus le bienvenu dans cette émission. On va perdre tous les Régis de nos auditeurs. Et tu penses pas que les Bécassines aussi pensent un peu pensent à elles? Elles sont nombreuses à nous écouter, j'imagine. Oui, sûrement, bien sûr. N'hésitez pas à nous appeler. Faudrait faire des quiz sur Bécassine, d'ailleurs, le générique, non? Oula, j'ai comme un blanc, là, d'un coup, je suis désolé. Il n'y a pas de générique, c'est une chanson. Mais... con comme ça, il y a assez de Kickstarter. Oui, oui, ouais, bon, c'est détente aujourd'hui. Il faut quand même voir le bon côté des choses, c'est que Mattel essaye de faire évoluer Barbie. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y avait Barbie divorcée, qui n'était plus avec Ken. Ah oui, ouais. Bah, faut bien qu'elle trouve du... Puis comme il n'y avait plus de boulot dans l'informatique... Il y avait Barbie en burqa. Voilà. Ouais, Barbie se pisse des connasses. Lui au courant, lui, à la collecte. Mais... Ah ouais, dédicacé et tout. Les prix sont toujours aussi chers, mais à part ça... Dédicacé par la connasse. Voilà. Je vous propose de parler d'un petit jeu de société qu'on a eu l'occasion de tester. Véronne. Un petit jeu de cartes, hein, donc le genre de jeu qui tient dans la poche. Ah bah oui, il y a combien? Il y a même pas 20 cartes. Pierre-Yves, tu te sens chaud pour le concept? Le concept, alors, bon, j'ai parlé d'un autre jeu qui est Love Letter, en gros. Donc vous avez des cartes avec des personnages qui ont soit des objectifs ou soit des pouvoirs, et quand vous posez la carte, vous pouvez résoudre le pouvoir. Et c'est un peu un jeu de majorité, en fait. Il y a deux clans, on va dire, donc il y a les Capulet et les Montaigu. Donc c'est basé sur Roméo et Juliette. Voilà, et... la fameuse pièce de Shakespeare. Est-ce que c'était un bouquin d'abord ou une pièce? Non, non, c'est un épisode de l'homme de l'Atlantide. C'est ce que m'a rappelé Tom tout à l'heure. Tu parles du film avec Jet Li, c'est ça? Oui. Putain, mais on a deux trolls ce soir. Chacun ses références, hein, en même temps. Ouais, ouais. Si on reparlait d'El Château, oui. Vas-y. Et du coup, donc, sur la table, il y a deux côtés. Il y a le côté conseil et le côté exil. Quand vous placez vos cartes, vous choisissez soit de le mettre du côté conseil, soit du côté exil. Et puis, donc, en fonction des pouvoirs, les cartes peuvent aussi changer de côté. Donc, dans les personnages, on a deux types de personnages. On a ceux qui ont qu'on va appeler les personnages à mission, qui vont permettre aux joueurs de parier sur des missions du genre « il y aura plus de joueurs du côté gauche, donc au niveau du conseil à la fin de la partie ». Et tous les joueurs qui ont pu mettre un pion dessus vont gagner des points, en gros. Tout à fait, exactement. Et les autres personnages font des actions qui permettent d'influencer le jeu et surtout d'influencer les autres cartes ou les autres pions que les joueurs ont mis. Et c'est là que le jeu devient vraiment extrêmement intéressant et prend toute sa profondeur, puisqu'on va commencer à interagir avec les autres, à commencer à faire chier les autres ou essayer tout simplement de se mettre en meilleure position. Et c'est vrai que c'est fort sympa. Oui, puis comme on a que 3 cartes en main, en fait, le jeu va quand même très très vite. Donc on fait facilement plusieurs manches. Oui, et puis admettons, même si en début de partie, admettons, il y a plus de majorité du côté conseil, bon, en fin de partie, ça peut très vite changer de côté, et du coup la majorité bascule du côté exil. Les joueurs peuvent faire 2 tours en se disant « Oh là là, je sens que je vais marquer tous mes points d'objectif », et le dernier tour, tout change, et on se retrouve de passer à un score au maximum à 0, voire négatif. Et alors, comment on définit le premier joueur? Est-ce que c'est toujours le même ou est-ce que ça change? Ça tourne, ça tourne. Donc chaque joueur devient premier joueur, chacun son tour. C'est vrai qu'être le dernier joueur, c'est un impact assez fort parce qu'on peut vraiment déterminer. Oui, je disais, être le dernier joueur, c'est vraiment un impact assez fort parce qu'avec la dernière carte qu'on pose, on peut refaire évoluer les majorités. Par contre, l'inconvénient, c'est que les autres joueurs ont déjà placé avant, en fait, tous leurs jetons leur permettant de marquer des points. Du coup, parfois, il reste les plus mauvaises places. Mais par contre... être le dernier joueur, du coup, dans ce cas-là, ça peut empêcher les autres de marquer des points. On a fait plusieurs manches, puis c'est vrai qu'à chaque fois, c'est différent. Enfin, les différentes manches que j'ai fait, j'ai joué complètement différemment à chaque fois. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, ça augmente beaucoup la durée de vie du jeu. Alors, est-ce que tu vas en faire pour autant 10 parties ou 15 parties d'affilée? On n'a même pas testé la petite extension intégrée. C'est vrai. Donc, il permet apparemment donc, de mettre des poisons. Oui, et donc de tuer certains personnages. Et donc, du coup, de faire changer à la fin les majorités, soit dans le conseil, soit dans l'exil. Déjà, avec les cartes de base, au début, tu dis, bon, je vais peut-être jouer un peu au hasard, etc. Mais très, très vite, quand tu arrives à la fin, tu commences vraiment à réfléchir, longtemps ou pas, mais avant de poser tes cartes et dans quel ordre les poser. Ça devient vite stratégique. Mmh. Oui. Surtout que les cartes, on te les distribue pas comme ça en fait. Autant en distribue une pour que tu aies une main de base, mais après, le paquet de cartes passe en draft et tu en choisis une. Tu la passes à ton voisin de gauche qui en choisit une, etc. Donc quand le paquet de cartes revient à toi, si tu as une bonne mémoire, normalement, tu vois les cartes qui ont été prises. Donc tu peux potentiellement te dire, bah, ça a été pris, je peux reprendre cette carte-là et refaire tourner le paquet. En fonction de la carte objectif que tu as peut-être pris avant, enfin. Tu peux déjà te prendre la tête bien avant le jeu, en fait. Ouais, c'est ce qui s'est passé à un moment de la partie. C'est que dans les personnages disponibles, tu as forcément Roméo et Juliette, hein, vu que c'est le thème. Et ces personnages, tu peux les choisir. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les personnes autour de la table n'ont pas choisi ces cartes. Ce qui fait qu'on savait plus ou moins que Roméo et Juliette n'étaient pas dans le jeu. Et il y a un personnage, à condition de victoire, ou en tout cas de vous ramener des points, c'est que Roméo et Juliette ne soient pas ensemble. Alors, s'ils ne sont pas dans le jeu, les joueurs vont aller miser sur cette carte. C'est quand même pas évident de savoir que Roméo et Juliette, dans cette partie, avait été mis de côté. Alors, toi, tu étais premier joueur. Tout à fait. Voilà, donc à la fin, moi, j'étais un peu plus en fin de file. Je crois que j'étais avant-dernier. Donc, voilà, je me disais, c'est bon, elle va pas être là, la carte. Eh oui, on t'a bien nu. C'est vrai qu'au bout de trois parties, j'avais dû marquer 3 points à la fin. Cumulé, hein, donc c'est pas extraordinaire. Ouais, ta victoire dépend beaucoup des autres. Le dernier joueur, généralement, peut influencer la partie au dernier moment. Ah oui. Comme il sait qu'il peut faire son coup et que plus rien ne se passe après, il peut prendre le temps de calculer, voir quels objectifs sont réussis ou pas, c'est ce qu'il peut interagir dessus et définir le gain de tout le monde, en fait, presque. C'est un jeu de l'éditeur Fertigames, donc le même que celui qui avait fait Complot. Donc bon, c'est le genre de petit jeu, les parties sont très rapides. Après, il faut aussi jouer peut-être un peu à l'instinct plutôt que vraiment tout le temps vouloir réfléchir les meilleurs coups, parce que là, ça peut durer très longtemps. Et bon, c'est vrai qu'avec des joueurs qui rendent le jeu intéressant, on peut vraiment bien s'amuser. Parce que nous, on rend pas le jeu intéressant, peut-être. Si, c'est ce que tu veux dire. Si, c'était pas top. Allez, je vous propose de faire une petite pause et on enchaîne juste après. À toutes. On continue cette émission de l'Another Podcast. Tom a ramené un petit jeu qui s'appelle Win. Alors, on avait fait ça, hein, on avait testé Big ID lors d'une émission. On avait joué en direct, mais on avait joué pendant l'émission. C'était à peu près radiophonique. Celui-là devrait être à peu près radiophonique aussi. C'est un peu comme à la fin des vacances scolaires. Hein. Tu ramènes tes jeux de société à Exactement. L'école. Exactement. Nous, on fait pareil. Alors, le jeu. C'est tiré d'un jeu, c'est adapté d'un jeu américain qui s'appelle Who Would Win. Qui gagnerait? Puis voilà, c'est le genre de question qu'on se pose régulièrement. Qui est-ce qui gagnerait entre Superman et Batman? On verra bientôt Chuck Norris. Le film qui est prévu. Quoi qu'il arrive, c'est Chuck Norris. Entre Chuck Norris et Mr. T ou je ne sais quoi, ben voilà, il y a des gens qui l'ont fait en jeu, c'est tout simple. Donc le matériel est très simple, il y a des cartes avec des personnages historiques célèbres, des personnalités, des cartes avec des épreuves. Donc comment se déroule un tour, deux joueurs vont chacun prendre un tiré au hasard une carte personnage, et un autre joueur qui va servir d'arbitre va tirer une épreuve. Et donc chacun des deux personnages va avoir... une trentaine de secondes à peu près ou une minute pour débattre et argumenter. Et argumenter sur comment est-ce que son personnage va gagner. Donc 30 secondes par speech et à la fin ils ont 5 secondes pour éventuellement voilà, rajouter un dernier point. Comme dans un vrai point. Débat politique, voilà, chacun ouais. Donne ses arguments puis chacun a droit de réponse. Donc nous avons un sablier, des cartes pour voter, parce que les autres joueurs, une fois que tout le monde a débattu, vont voter pour savoir qui a remporté la bataille, ou en tout cas la bataille d'arguments. On peut jouer à... On peut jouer à beaucoup. On peut jouer à beaucoup. Je prépare une pile de cartes personnages que je mélange. Hop, on doit entendre. Pierre-Yves, il veut une carte personnage. Ah oui, non, tu mets soit blanc, soit noir. Yes, voilà. J'avais pas compris, j'attendais la deuxième carte. Ils ont été malins, ils n'ont pas donné une carte blanche, une carte noire. Ils ont fait une carte avec un côté blanc, un côté noir pour voter. C'est très simple. Donc, qui sont les volontaires? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Donc. Moi, je veux Chuck Norris. T'as dit le Joker, non? Pierre-Yves va tirer une carte au hasard dans les personnages. Qui veut l'affronter? Bon, allez, moi, je vais me battre contre Pierre-Yves. Tant... Donc, vous ne donnez pas votre personnage pour l'instant? Non, je donnerai juste un indice. T'es mal, Pierre-Yves. Peu importe l'épreuve, t'es Et mal. Et Reynald va tirer au sort. Ah, mais l'épreuve. Moi, je gagne à tous les coups. Donc, on va d'abord présenter les personnages. À ma gauche, Peter Pan. Petit enfant de fiction ne grandit jamais. Oh. Et à ma droite, Bruce Lee. Jamais tu me touches. Alors attention, nous allons... Là, il y a du lourd. Rénal va nous dévoiler l'épreuve, parce que ça peut être absolument n'importe quoi. Alors l'épreuve, c'est la course en sac. Comment t'es mal. Donc, j'ai gagné d'avance. J'ai gagné d'avance. Pierre-Yves, tu as... Je déclenche le sablier. Pierre-Yves, tu as... Vous êtes prêts? Attention. On retourne le sablier. On retourne le sablier. C'est parti. Peter Pan, il vole. Il n'a même pas besoin de ses pieds, tout ça, de ses jambes. Donc, même si je suis entravé par un sac, mais c'est comme si j'avais aucune... aucun sac autour de mes jambes. Enfin, je peux voler. Je peux aller où je veux, quand je veux, à la vitesse que je veux. En plus, j'ai la petite fée, comment elle s'appelle, qui peut m'aider aussi. Enfin, franchement, Bruce Lee, tu lui coupes les jambes, qu'est-ce qui reste, Bruce Lee? Il lui reste ses bras. Et il fait quoi avec ses bras? Non, mais oublie. Moi, je vais me défendre, monsieur Peter Pan. Vas-y. Je tiendrai à signaler que les règles de la course de sac, c'est de sautiller. Donc, si tu voles, tu es disqualifié d'office. Disqualifié. Bruce Lee, lui, en sac, il te fait des petites pirouettes comme ça, des saltos avant, tout en faisant les bons autorisés, donc par le règlement, hein, bien sûr. Avec les petits jappements aussi. Et je crois qu'il était entraîné comme ça quand il était petit. Alors, Peter Pan à 5 secondes. Je tiens juste à préciser que moi, le saut, je peux faire au moins 50 mètres avec un seul saut, alors que toi, tu devras t'arrêter tous les mètres. Oui, mais pendant que tu planes en l'air, moi, j'irai plus vite sur le sol, parce que je suis Bruce Lee. Le débat est terminé. Le combat est terminé, et donc nous sommes trois à pouvoir voter. Et puis Peter Pan, il vole dans blanc, PDRF, il faut arrêter noir. Ça. Bon, vous mettez la face noire pour Peter Pan et la face blanche pour Bruce Lee. Moi, je suis blanc. Alors là, on ne cherche pas à déterminer qui gagnerait vraiment, mais qui a bien réussi ses arguments. C'est Peter Pan. Attendez, les gars. Attention. Prêt. Partez. C'est bon, allez-y. Non, incontestable de Bruce Lee, disqualifié. J'avais raison. Jamais Bruce Lee, jamais. Bruce Lee remporte la donc carte. Donc 3 votre blanc. Voilà, on remet les cartes personnages sur la pile, enfin en dessous de la pile. Et on passe au duel suivant. Donc qui est volontaire? Christophe contre Rénal du coup. Ouais. Et si j'ai pas que Chuck Norris, je fais la gueule. Bon, moi je fais la gueule. Bon, alors à ma gauche, Rénald. Arnold Schwarzenegger. Oh yes. Et à la droite de Dominique. Casanova. Sans la parole, le plaisir de l'amour diminue au moins de 2/3. Il me cherche, là. Il cherche. Alors, et c'est Pierre-Yves qui a tiré l'épreuve. Bon courage pour un saut en parachute. Donc là, il faut imaginer la scène. On a Schwarzenegger et Casanova dans un avion avec un parachute. Ok, c'est parti. Je lui pète sa gueule, je lui prends. Je veux que je me dise. Avec tous les films d'action que j'ai fait, le parachute, ça me connaît. Bon, surtout la chute libre. Bah, forcément, je le prends, je le mets, je saute. J'ai toute la technique. Casanova, lui, si tu veux qu'il fasse, il s'écrase, quoi. Il peut rien dire, quoi. Alors, moi, je dirais plutôt que celui qui s'écrase, c'est le plus lourd des deux. Évidemment, c'est Schwarzy. Casanova, lui, c'est le séducteur, l'aventurier tombeur de ces dames. Donc, il sait tomber. Il sait toujours retomber sur ses pattes. Il n'aura jamais c'est ce qu'il un vient coup. De faire. Il s'écrase. Dès qu'il sait qu'en bas, il y a des femmes qui l'attendent. Il n'attend qu'une chose, c'est sauter en parachute. Il tombera bien dans un trou. Schwarzenegger, 5 secondes. Votez pour le 4. Je suis le plus beau, je suis le meilleur. Voilà, ça c'était un débat de lourd de chez lourd. Ouais, mais tu devais pas faire un débat comme si t'étais Schwarzenegger, hein. Wow, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux, t'es libre. Bah ouais, c'est ça le truc. Et là on va devoir voter. Alors, quelles sont vos couleurs? Noir pour Monsieur Casanova et donc blanc pour Monsieur Schwarzenegger. Voilà. Et voilà, c'est Casanova qui remporte. Moi c'est l'argument du tombeur. En théorie, j'aurais dit Schwarzy, mais là... Tombe pour mieux sauter. Mais non, justement, il est bien tombé sur ses pattes. Allez, Dom, tu veux faire un duel? C'est parti. Mais qui va oser m'affronter? Allez, Pierre-Yves. Allez. Allez, je vais faire le juge. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer à ma gauche. Jules César. Oh, Jules. L'empereur romain, Veni, Vidi, Vici. Donc, c'est gagné d'avance. Non, parce que et je suis... Et à ma droite... Uri Houdini. Le magicien de l'évasion, le prestidigitateur, le gars qui, pouf, quand tu penses attraper, ben non, il n'est plus là. Le débat n'a pas encore commencé. Avant de faire ton argumentaire, tu devrais faire attention. Je n'ai pas peur. Mes amis, vous allez faire une épreuve de dissertation. De quoi? Dissertation, attention, à ma gauche, Jules César, c'est parti. Voilà, alors ma citation préférée, tout quoi qu'est méphilie. Donc voilà, je maîtrise le latin parfaitement. Et donc toutes les langues qui en dérivent. Donc l'orthographe, bon, c'est tout. C'est mon peuple qui l'a inventé, les Romains. C'est fini donc, non, avec l'éducation que j'ai reçue, voilà. Moi, je suis né dans une famille noble, donc il n'y a pas de problème. C'est fini. un prestidigitateur, un magicien, ça sait lancer des sorts, et pour lancer des sorts, ça sait dire les bonnes formules magiques. Et donc, il faut trouver les bons mots, les bons ingrédients pour que le public soit, comment dirais-je, enthousiasmé, soit subjugué par la présentation. Donc, je pense qu'en termes de dissertation, pour réussir à épater mon public, je suis le mieux placé. Toi, à part donner des ordres pour lancer tes troupes, tu sais rien faire d'autre. Oh là là, il vient de t'attaquer là, Dom. T'as 5 secondes. J'ai signé des milliers de traités, de documents, etc. Donc voilà, moi je sais écrire. Moi, toi, tu sais juste la parole, c'est tout. Là, on parle de distance. Mais moi, je fais apparaître des animaux, je fais apparaître des fleurs, je sais parler à toutes les personnes. Je suis un compteur né. Attention à vos votes. Donc noir. Blanc. 3, 2, 1. Ouh, le combat était plus serré là. Presque. Ah oui, oui. Un vote pour. Harry Houdini. En même temps, t'as pris un des seuls que je connaissais pas. Quoi. Et Jules César remporte la victoire. Allez, on a le temps d'une petite dernière. Qui n'a pas. Là, je vais affronter Christophe. Il nous faut du lourd là, attention. Hein. Reynald, il aime bien choisir des épreuves à la con. Ouais. Alors, nous avons à ma gauche Albert Einstein. Oh là là là là. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise. Mais en ce qui concerne l'univers, j'en ai pas encore acquis la certitude absolue. C'est un jeu culturel en plus. Et donc, à ma droite, Clint Eastwood, acteur, réalisateur, inspecteur Harry. Aïe, aïe, aïe. Et l'épreuve pour ces deux hauts sportifs est le décathlon. Vas-y, Einstein, amuse-toi. Alors, ce qui est bien avec Einstein, c'est que lui voit le parcours, il arrive à identifier la trajectoire la plus optimum pour ne pas se, pour pas perdre de temps, pour ne pas se froisser un muscle. Et puis, comme la fable de La Fontaine, hein, il suffit de partir lentement hein, pour arriver sûrement. Et lui, je pense qu'il va y arriver. Bon, ben écoutez, moi, il n'y a pas de problème, hein, vous m'avez compris. L'inspecteur Harry, rien ne lui résiste. Il affronte toutes les épreuves, il les enchaîne sans problème. C'est son métier, il sait faire. Donc, faut pas le chercher. S'il trouve des obstacles, il les écrase. Et puis, c'est tout. On s'en fout les règles. Voilà, encore un qui n'a pas compris les règles du décathlon. Moi, j'en peux plus, moi. Si vous trichez pendant les épreuves... Si tu suis l'adversaire dès la première épreuve... Après Peter Pan, l'autre, il écrase les obstacles. Ouais, de toute façon, si t'es pas content, c'est le même prix. Le débat de haut vol. Bon. Alors, donc, on va voter noir pour Albert Einstein et blanc pour... Clint Eastwood. Ouh, oh. Tout juste. Albert Einstein gagne de 2 votes pour 1. Nous n'avons pas aimé ma brutalité, semble-t-il. Ah non, Clint Eastwood. On n'aime pas les tricheurs. Et encore, j'attendais que tu dises, mais non, avec mon cheval, j'arrive et tout, j'allais faire non, non, non, non, non. Voire même avec mon col 45, je tire sur l'arbitre, je gagne. Allez, je vous propose de faire une dernière pause. On va attaquer le quiz musical et on se retrouve juste après. On continue cette émission sur la radio Bellafonte. On va passer au quiz musical. Alors, on a cherché, on a tous des petits stocks d'avance. Alors, moi, j'en ai un qui traîne, c'est les chansons qui font des références aux jeux vidéo. Alors, c'est pas des chansons qui apparaissent dans les jeux vidéo ni rien. Hein. C'est bien des chansons qui ont été faites et qui font des références dans le texte ou quelquefois dans le titre aux jeux vidéo. Ça va pas être facile. Mais tu veux qu'on retrouve le jeu ou tu veux qu'on trouve l'artiste ? Non, je m'en fous du jeu. Ah, j'en ai une. Je veux l'artiste. Si elle y est pas, je serais très mécontent. Ah bah, tu seras peut-être très mécontent. Allez, on commence. C'est du facile. On attend les 5 secondes. Hein. Eminem. C'est Eminem, effectivement. Mais c'était quoi le jeu ? Alors, il fait une citation, à un moment, il parle de Donkey Kong. Ça va pas être facile. Bravo. Le but, c'est surtout de trouver l'artiste. Alors ça, c'est une chanson qui avait été utilisée pour Despicable Me, le film 2, je crois. Alors, encore une personne qui fait une référence à Donkey Kong dans ses chansons. Charles Aznavour ? Ah non. Lionel Richie ? Eh non, on dirait l'intro, ça fait un peu la Lionel. Vous attendez pas un truc bien. Mylène Farmer. Ouais, t'es... Oh putain. La lambada, la... Oh. Vincent. C'est ça qu'il faut trouver. C'est la voix robot. Ouais, c'est bien. Qui est des minables. Non, non, non, non. Ça commence par un J. Ouais, c'est Jello. Jennifer Lopez. Et Jennifer Lopez, bien vu. Je serais curieux de connaître le contexte de la phrase à référence à Donkey Kong. Alors, je sais que t'aimes bien l'anglais, hein. Alors, and watch a chick get Donkey Konged. Je vous laisse, vous laisse imaginer. Ça m'apprendra à poser les mauvaises questions. Suivante, encore Donkey Kong. Ça, c'est pas facile. J'ai passé toutes les merdes au début. Ses initiales sont L, W. La Lionel Richie. Un truc du genre Lil Weston ou... Lil quelque Lil chose. West, Little... Little Wayne. Non. Lil Wayne, effectivement. Lil Wayne, ouais. C'était la grande mode d'utiliser Donkey Kong dans les chansons. Hein. Elle date de quand ces chansons là. Encore une nouvelle Donkey Kong. Ah, j'aurais dû faire un quiz Donkey Kong en fait. Il y a eu un album peut-être même. Non. Et Charles Navo n'a pas chanté Donkey Kong. Hey, what's up, my nigga? Shit, just chilling with Hannah. Shit, just arrive, man. Shit, not too much. Hey, you ain't seen that nigga Snoop? Snoop. Il a dit Snoop. Eh oui, effectivement. Alors, dans la chanson, il dit je suis à moitié des chiens, je suis à moitié gorille, je suis Donkey Kong bitch. I don't say much, I don't say Alize, no I don't say Dutch. Keep your hands off until I say, okay touch. I never come off tacky, I'm a boss exactly. I'm like a slick suit, Snoop or fly Versace. Alors la suivante. Ils ne font pas référence au jeu vidéo dans la chanson, mais le clip, lui, est un jeu vidéo. Il faisait 5 secondes. J'ai déjà la réponse. Ouais. Ah ouais. Voilà. Oh, les 5 secondes. J'ai pas vu le clip. Oui. Alors, le clip ressemble à... C'est une parodie de Crazy Taxi, mais avec les Red Hot. Donc, au début, t'as la sélection des personnages. Excellent. Pour une fois qu'on a la bonne zik, on laisse. Tu l'as pas mis enfin, c'est bizarre. Ouais, je me posais la même question. C'est vrai, parce que je l'ai pas vu dans la liste. Ça craint pour la fin. Un cadeau pour celui qui trouve. Vous connaissez ça. Oh si, Christophe, fais pas cette tête. Ah, j'ai pris le bon. C'était quoi là? C'est le titre. Là, c'est le titre qui fait référence au jeu vidéo. C'est My Console. Le groupe, non, c'est pas FL65. C'est FL65, joli. Waouh. Quand tu les entends parler, ouais. Bravo. Ils vont pas rechanter. On va éteindre les lumières. Et... Allumer la boule à facettes. Dans cette chanson, ils parlent de Doom. Ah non, ils utilisent les barils qui explosent dans la chanson, le son qui vient de Doom. Faudra que tu nous expliques comment tu as trouvé les morceaux. Et la recherche. Un groupe connu. Oui. C'est quoi Scorpion. On fait pas une musique de jeu vidéo déjà? Non. Ah, peut-être que... Nin, mais non, c'est pas ça. Non. Ça aurait pu être du Nin, hein, ça ressemble. Mais vous connaissez bien, c'était... À chaque fois, tu connais le groupe, mais tu te souviens plus du... Dès qu'il chante, de toute façon, ça va aller très vite. Est-ce que ça ressemble à pas du Nirvana, mais je pense pas. Eh non. Ça tombe, ils vont pas chanter. Hein. C'est instrumental. J'ai bien envie d'avancer pour voir s'il parle, chante après. Charles Aznavour. Bien tenté. Par contre, là, tu pourrais faire un mash-up, hein, parce que... Ah. Les Guns ? Non. Non, non. Ah. Mémoire poisson rouge. Avec ouais. Les citrouilles. Le Machine Pulse. Ouais, ouais, Smashing ouais. Pumpkins. Non, c'est... Tu peux les mettre dans chaque quiz, on les oubliera le mot. C'est clair. Allez, ce groupe, indice tout de suite, est passé la semaine dernière. Conceive true deception and multiply the million fold. Visualize the yin and yang in a battle so intense that we get them confused. The Resident Evil specializes in Mr. Strong. We want to be at a presidential level. What are we doing? Fooling ourselves, clowning ourselves, playing ourselves. Quiz la semaine dernière? But not being ourselves. Semaine dernière, semaine d'avant, je pense. Commence par un O. Oh. We can bob our head off beat. Nim ride by the time we 40 because we can't get off meat. Podcast. Podcast, bien vu. Renald n'était pas là, enfin si il était là, si, mais il était absent. Ouais, c'est il y a plus de deux semaines, ouais. Je me souviens. Ouais. C'est même, mais non, ça change, j'en connais pas. C'est Laurent qui l'avait trouvé celui-là. Allez, suivante. La suivante fait référence à Pac-Man. William Lémerger. J'y pensais. Ouais. Perdu. Ah, ça sera pas le générique. Ah, je connais pas, non. C'est pas placebo alors, s'il te plaît. Non, c'est pas placebo. Alors, je connais de nom, genre je connais quelques chansons. Après, ça fait peut-être référence aux connaisseurs. C'est un groupe britannique, quoi, en fait. Alors, vu l'accent, je dirais britannique, mais. Les Dans du Worlds ? Non, pas loin. Ça commence par un K. Renan, il est plongé dans ses pensées, ça me dit quelque chose. Ah ouais, mais non, je trouverais pas. Les Kaiser Chiefs. Alors, je connais pas. Pour toi, Pierre-Yves. Wild Arms. Eux vont parler de Sega, de Mega Drive. Ah bah, placebo, non ? Eh ouais. Ah, je vais prendre les 5 secondes. C'est pas grave, comme dirait Dom, ça fait moins de musique. Ah, pourquoi ? On n'a pas un fan ? Ah non, toi, c'est Coldplay. Non. Encore un rappeur. Oh, 50 Cent. Donc, lui, il parle de Sega Dreamcast, des consoles 128 bits. En français ? Non. C'est en duo avec quelqu'un qu'on a entendu tout au début. Aznavour. Non, pas Snoop. C'est avec Eminem. Mais qui est le premier? Un docteur. Gynéco. C'est Docteur Dre. Docteur Gynéco. Oh bah j'ai le premier mot qui me vient à l'esprit, hein. Le suivant fait référence à Legend of Mana. En tout cas, c'est cité. Waouh. Alors, en tout cas, la musique part bien. Et ça aurait pu être dans un des cuisses à Dom. Janet Jackson ? C'est Janet Jackson ! Ah, c'est bien ça joué. Le quiz à Dom. Bravo. Beastie Boys, non ? Mais les Beastie Boys ! J'ai failli mettre celle-là enfin. Et dans celle-là, il dit « And if you play Defender, I could be your hyperspace. » Oui, alors quand même, donc je résume, nous n'avons pas eu William Lemergy, c'est quand c'est scandaleux. C'est vrai, enfin, je sais pas. Mais il est déjà passé dans un quiz. Et ça, c'est pour les Jones. Justin Bieber. Laurent. Charles Aznavour. Les... Jennifer. Ah, les oui. prêtres. Je vois ce que tu veux dire. Les prêtres. Tokyo Hotel, non ? Non. Non. Ah, hier sort un le album. Groupe à la mode, le... Tokyo Hotel ? Non. Encore plus. Non, ils sont déjà à la retraite, Tokyo Écoutez Hotel. Écoutez bien la musique. Adèle. Non. Ah non, c'est vous confondez. Lana Del Rey. Lana Del Rey. Alors le titre ? Video Games, bah voilà. On n'est pas cherché. Christophe, il fait la gueule parce qu'il n'a pas eu son. Le suivant est très facile. C'est Lorraine Hill, mais c'est les. Fugees. C'est les Fugees. Une référence à Atari à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle Atari. Ouais, Miga. Ah non, je confonds avec un morceau. Il y a Atari dans le titre aussi. Quelqu'un serait me dire le titre ? Oui. Oui. Ouh là là là. C'est Fuji là. Est-ce que tu es capable de me dire le titre ? Oui. C'est sûr que c'est pas Atari au sens logo, donc. Non. Alors, le clip est fait en jeu vidéo également. J'ai du café. C'est quelle nationalité ? Je pense qu'il est américain, mais je suis pas sûr. Encore un rappeur ? Non. Il est tout seul. Ça fait plus au féminin pour l'instant. Je pense pas qu'il chante. T'es en train de faire une déprime, Renan ? David Guetta. Non. Attends, c'est une chanteuse ou un chanteur ? C'est un chanteur. Enfin, c'est un chanteur. C'est un producteur. Ouais, il fait de la musique, quoi. C'est un DJ. Ouais, ça commence par M. M. Non, pas M. Non, j'ai beau écouter, je trouve pas. C'est Moby, bien voilà. Vu, Dom. Ah, oui. Vous auriez défini comment Moby ? Bah, c'est un chanteur, mais. Producteur, oui, c'est Je l'aurais mimé, moi. Il fait un peu tout. Artiste. Tu peux nous mimer Moby ? Celle-là aussi aurait pu être en musique de fin. Oui, ça, c'est King Rockstar, c'est R. Tout simplement. Et effectivement, dans le clip, on a quelques séquences de jeux vidéo. R.I.R. donc ou... Ouais, A.I.R. D'ailleurs, leur clip avait été diffusé en salle de cinéma Donc dans le clip, on voit des extraits de Pong. Chanson qui avait été reprise par les Mookookbook, hein, l'homme. Ah bon ? T'es sûr ? Certes. Hein. Attention. Je suis un oiseau fâché et je tue des cochons. Moi, d'un air détaché. Moi, je le dirai pas. Je démolis leur maison. Je vais le laisser jusqu'au bout. Qui suis-je, mais qui suis-je donc ? C'est pas Jacques Dutronc. Hein. Thomas Dutronc ? C'est Thomas Dutronc. Ah yes, je pensais au fils, mais j'ai fait. Je cours après des fantômes. Je deviens super balèze. Lorsque j'avale une fraise. Faut le chercher, ça, hein. En fait, sur aucun de ses albums. C'est quoi la lusion ? Bah là, il parle de Pac-Man. Hein. Tout à l'heure, c'était Angry Bird. Je vis des hauts. C'est beau, hein. La qualité est pas top, on va plus la mettre en France. Bah, c'est enregistré dans la cuisine en même temps. Celle-là est pas facile. Un indice peut-être. Le titre c'est Hypro. Ça commence par un B pour l'artiste. C'est Beck. Barbie. Beck. Pas facile. J'en ai une pour Christophe. Alors je crois que c'est le clip hein, qui a des références de jeux vidéo. John Bez. Ça court, vous étiez vu. Ah, ça commence doucement. Hein. Mais rien que là, tu pourrais trouver. Ah, allez pour Björk. Voilà. C'est Björk. C'est hyper balade pour le titre. Donc pour voir les références de vidéo, faut regarder le clip. Bon, il m'en reste une dernière, j'ai pas trop d'espérance, à moins que Pierre-Yves s'intéresse à l'actualité musicale. Et là, c'est pareil, c'est le clip. Il y a une pub pour une pub pour la télé, ça. Je m'attendais pas une chanteuse, mince. Non, là, je vois pas trop non plus. La voix, elle me dit quelque chose. Non, c'est une blonde qui aime pas trop montrer son visage, d'ailleurs. Elle a fait une chanson qui s'appelle Chandelier. Mais c'est une française. Qu'on voit partout avec une gamine qui danse. C'est pas une française, non. Chandelier. C'est Sia. C'est en référence à Cluedo ou... Non, c'est Sia. Tu écris ça comment ? SIA. Oh, je savais que ça allait pas toucher grand monde. Ne hein. Vous inquiétez pas. Et ça, c'est celle de fin ? Non. Non, celle de fin, je l'ai là. Plus qu'à cliquer. Ah ! et dire qu'il m'avait insulté la dernière fois que je l'avais mise dans le quiz. Qu'enfoiré celui-là. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une chanson de Charles Aznavour qui a été reprise. Et qui est dans l'album Sa Jeunesse. Et dans le cœur, il y a Barbie qui chante. Il roule, il est malin. C'est une petite. Il faut quand même se dire qu'il y avait eu un dessin animé. Jeu vidéo. Mais ça n'a rien comparé au dessin animé de Rubik's Cube. Mais ceci fera l'objet d'une prochaine émission. Ben voilà, on a failli avoir les Red Hot ou Beastie Boys, mais non. Voilà, à cause de qui. Voilà, c'était la fin de ce 38e épisode. On se retrouve l'année prochaine pour une autre émission. À bientôt, bonne fête et meilleurs vœux. Bonne fête de fin d'année. Ciao. À lundi prochain, salut. Ils ont pour mettre le méchant grippin, mais Pac-Man, Pac-Man.